À tous ceux qui n'ont jamais trouvé le moindre billet par terre dans la rue, ni même dans la poche d'un vieux jean, ni même quelques centimes oubliés dans la machine à café, et aux mêmes qui se disent que de toute façon, ça n'arrive qu'aux autres. La chance va tourner. En ce moment, il y a plus de 4 millions d'euros en cartes et bons d'achat à gagner chez Intermarché. Tentez votre chance en scannant votre ticket de caisse à la borne du magasin. Et c'est seulement pendant l'anniversaire Intermarché. Bon anniversaire Intermarché. Bisous. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 17 octobre, carte d'achat d'une valeur de 50 euros, modalité sur intermarché.com. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, deuxième volet de notre série sur le 11 septembre 2001, une date inscrite en lettres de feu et de sang dans l'histoire du monde, un jour qui reste gravé dans nos mémoires, comme reste inscrite dans notre regard la vision des tours jumelles en flammes, puis l'annonce d'un autre Boeing kamikaze sur le Pentagone, puis d'un quatrième appareil s'écrasant en rase campagne en Pennsylvanie. Imaginions-nous alors que ces attentats auraient des conséquences qui résonnent encore aujourd'hui? Oui, bien sûr. Mais quelles conséquences? Imaginait-on que les Américains, 20 ans plus tard, allaient se retirer piteusement d'Afghanistan, laissant le terrain aux talibans qu'ils étaient venus justement combattre au lendemain du 11 septembre. Savions-nous que ces attaques sur le sol des États-Unis les feraient entrer et le monde occidental dans son sillage, dans une ère de surveillance généralisée, de démocratie reniée, au nom de la sécurité, au nom de la guerre contre le terrorisme? Pas forcément, mais on pouvait le craindre. Et nous le verrons demain. Aujourd'hui, revenons sur les faits. Au cours de notre récit, dans quelques secondes, nous allons dérouler le fil des événements du 11 septembre, qui débute avec le décollage anodin de 4 avions de ligne. Nous verrons comment ces attentats se sont produits, comment le quatrième avion qui visait le Congrès américain a été courageusement détourné par ses passagers, comment l'Amérique a pris conscience de ses faiblesses, de la haine également que certains lui portent. Notre invitée aujourd'hui, Jenny Raflick, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Nantes, spécialiste entre autres du terrorisme et des relations internationales. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA et l'hebdomadaire Le 1, récit documentaire Odile Conseil, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Ce 11 septembre 2001 est typiquement de ces jours ordinaires qui sombrent dans l'extraordinaire, en l'occurrence ici, la tragédie. Oui, c'est une journée de fin d'été lumineuse, le temps est clément, le ciel est dégagé. Certes, Ahmad Shah Massoud a été tué deux jours plus tôt dans un attentat suicide. Celui que le monde entier connaît sous le nom de commandant Massoud était la figure de proue des opposants à l'émirat islamique d'Afghanistan, autrement dit des talibans. George Bush a-t-il cela en tête alors qu'il fait de très bonne heure un footing en Floride ce 11 septembre avant d'aller visiter une école élémentaire de Saragossa pour assister à une leçon de lecture? Peut-être, peut-être pas. En ce 11 septembre, Ben Sliney est lui un homme heureux. Il prend précisément ce matin-là son nouveau poste de directeur des opérations nationales de la FAA, l'Agence américaine de régulation du trafic aérien. Il est accueilli chaleureusement au centre de commande de Herndon en Virginie. Il faut dire qu'il navigue depuis 25 ans dans le monde du contrôle aérien et qu'il y est connu et apprécié. Ce 11 septembre a également bien commencé pour Betty Hong, hôtesse de l'air chez American Airlines. Aux alentours de 7 heures, elle arrive à l'aéroport international Logan à Boston pour prendre son service sur le vol 11 à destination de Los Angeles. Betty est contente. À Los Angeles, elle doit retrouver sa sœur. Toutes deux s'envoleront ensuite à Hawaï pour quelques jours de vacances. En ce 11 septembre, comme tous les jours, Bruno Dellinger, un entrepreneur français installé aux États-Unis, pousse la porte de la tour nord du World Trade Center et monte au 47e étage où sont installés ses bureaux. Il adore le World Trade, un endroit calme, propice au travail, dit-il. Et il le précise en 2002, dans une émission de Thierry Ardisson. Dans cette ville de New York, qui est une ville extrêmement bruyante, c'était un lieu où il y avait un silence merveilleux, presque magique. Les gens qui étaient dans les étages supérieurs, par exemple, pouvaient passer l'hiver entier dans les nuages, dans le coton. Ouais. Et nous, on était à la bonne hauteur, c'est-à-dire qu'on avait parfois le coton aussi, Mais parfois, on était aussi au-dessus des nuages. Au soleil. Et puis souvent, on était dans un soleil radieux, comme le temps new-yorkais. Bruno Dellinger connaît-il Leocadia Glogowski, qui travaille au 82e étage de cette même tour nord, dite aussi tour 1? Pas sûr. Les deux bâtiments qui pointent à 415 mètres de hauteur, symbole de la suprématie économique de l'Amérique, 110 étages chacune, accueillent quotidiennement quelques 50 000 personnes. En ce matin-là, du 11 septembre 2001, 17 500 y étaient déjà présentes, dont Leocadia Glogowski, une ingénieure d'origine polonaise, employée de l'organisme en charge de l'organisation des transports publics de New York et de son agglomération. Ce matin-là, elle avait changé de chaussures, oui, juste avant de partir de chez elle. Un détail, entre gros guillemets, qui lui sauvera la vie. Elle le racontait en 2016 à Radio-Canada. Ce matin-là, en ouvrant mon garde-robe, j'ai d'abord choisi des souliers à talons très hauts. Mais tout à coup, mon regard s'est tourné vers une autre paire de chaussures sans talons, plus confortables. Et une voix intérieure m'a soufflé, « Mets les souliers à talons plats ». Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Huit heures en ce 11 septembre, Jules et Gédéon Naudet sont prêts à tourner. Ces deux Français réalisent un documentaire sur les pompiers New York, et plus spécifiquement, sur la formation d'une jeune recrue affectée à la caserne, dirigée par le commandant Joseph Pfeiffer, située à 7 pâtés de maison. 7 blocs, comme on dit à New York, 7 blocs du World Trade Center. À 8h30, l'équipe est appelée pour une fuite de gaz. C'est Jules Naudet qui accompagne Pfeiffer et ses hommes, caméra à l'épaule. Ils filment quand le rugissement d'un avion tout proche leur fait lever la tête. Jules Naudet a le réflexe de lever aussi sa caméra. Et c'est elle qui enregistrera le crash du vol American Airlines 11 dans la tour nord. Il est à ce moment-là 8h46. Dans les minutes qui suivent, on croit d'abord à un accident. Témoin, ce flash d'information sur France Inter à 15h, heure française, 9h, sur la côte est des États-Unis. What the hell was that? It felt like a plane crash. It's a trade center. The World Trade Center. On vient de l'apprendre, un avion vient de s'écraser dans la partie supérieure de l'une des deux tours du World Trade Center à New York. Nous sommes en ligne avec Laurent Simon à Washington. Vous avez de plus en plus d'informations, Laurent, sur cet accident? Non, ça vient de tomber, on n'en sait pas beaucoup plus et les témoins sur place sont excessivement peu nombreux. On sait que c'était effectivement une des tours World Trade Center qui est touché. Il y a de la fumée qui s'échappe des étages supérieurs de la tour. Il y aura sûrement des blessés puisqu'à 7 heures de la journée, les gens sont au travail depuis au moins une heure. Il est 8h46 quand un Boeing pulvérise une partie de la tour nord du World Trade Center. Et pendant les 102 minutes qui suivent, l'Amérique va connaître une impensable série d'attaques qui ont fait l'objet d'une préparation millimétrée menée par 19 terroristes. À 9h03, le vol 175 de United Airlines s'encastre dans la tour sud entre les 93e et 99e étages. À 9h37, le vol American Airlines 77, parti de l'aéroport de Washington, s'écrase sur la façade ouest du Pentagone du ministère de la Défense américain. À 9h59, la tour sud du World Trade Center, qui a été touchée la deuxième, s'effondre. À 10h03, le vol United Airlines 93, qui avait décollé de Newark, près de New York, se crache dans un champ en Pennsylvanie. À 10h28, la tour nord du World Trade Center s'effondre à son tour. Sans 2 minutes qui ont tué 2977 personnes, selon le décompte officiel, dont 2753 dans les tours. Parmi ces victimes, 350 pompiers et 60 policiers. Les passagers et les équipages des 4 Boeing ont tous péri également. Il est 7h59. Betty Hong, hôtesse de l'air sur le vol 11, est déjà au travail. Il y a 81 passagers, 11 membres d'équipage dans cet avion. Soudain, l'un des voyageurs de première classe, occupant du siège 8D, se lève, ouvre le coffre à bagages, attrape son sac et en sort un gros cutter. C'est un certain Mohamed Atta, 33 ans, égyptien, dont on saura plus tard qu'il était le leader des terroristes. Dans ce vol numéro 11, quatre autres passagers agissent comme lui. Eux sont saoudiens, comme la plupart des terroristes qui périront ce 11 septembre au nom d'Allah. L'un d'eux saisit un membre de l'équipage et l'égorge. Un autre, qui porte un ceinturon garni de boîtes rouges, menace de tout faire exploser. Mohamed Atta et l'un de ses comparses foncent alors vers le cockpit et ordonnent au pilote de quitter son siège. Refus. Les terroristes poignardent un autre membre de l'équipage. Alors, les pilotes obéissent. Et à peine quelques minutes plus tard, Atta se retrouve aux commandes du Boeing. Là, il met en pratique les cours qu'il a pris dans une école de pilotage américaine quelques mois plus tôt. Il coupe le transpondeur qui permet les communications avec la tour de contrôle et fait virer l'appareil direction New York. Il est 8h15. Betty Hong, l'hôtesse de l'air, se saisit du téléphone de bord relié à la compagnie qu'il exploite, American Airlines. Hello? Yes, hello? What is your name? Okay, my name is Betty Hong. I'm number 3 on flight 11. Okay. Cockpit is not answering their phone. I don't know. I think we're getting hijacked. Betty Hong est à l'arrière de l'avion. Elle n'a pas vu tout ce qui s'est passé. Mais comme ses collègues et l'ensemble des passagers, elle a compris que l'avion était détourné. Elle tombe sur un agent des réservations à qui elle décrit la situation, ou du moins ce qu'elle en sait. Les membres d'équipage égorgés, un homme portant une ceinture d'explosifs menaçant de faire sauter l'appareil. Détournement. C'est effectivement la conclusion à laquelle arrivent au même moment les contrôleurs aériens du centre de Boston. Depuis plusieurs minutes, le vol 11 ne répond plus, le transpondeur a été coupé. À 8h46 précise, la voix de Betty Hong se tait pour toujours. Le vol 11 a percuté la tour nord du World Trade entre les 93e et 99e étages. C'est une bombe, une énorme bombe, pensent tous ceux qui ressentent l'impact, plus ou moins violemment selon leur situation dans les étages. Nombre d'entre eux se remémorent sans doute l'attentat de 93 lorsque 500 kilos d'explosifs avaient été placés dans un parking du World Trade Center, faisant 6 morts et plus de 1000 blessés. Une dizaine d'étages plus bas, au 82e niveau, Leocadia Glogowski ressent ce choc inouï. Elle le décrit ici, sur les ondes de Radio-Canada. Une minute avant l'impact, c'était le silence total dans notre bureau. Puis tout à coup, une énorme explosion. Comme une tempête de béton. Une immense quantité d'air a été soufflée vers l'intérieur. La tour a chancelé d'un côté, puis de l'autre, et elle est revenue à sa position initiale. Juste avant, les contrôleurs aériens avaient pu capter un message émanant du cockpit de l'avion. Un message plutôt inquiétant, qui sera attribué à Mohamed Atta. Vol 11, vous essayez de nous joindre ? Nous avons des avions. Restez calme et tout va bien se passer. Nous retournons à l'aéroport. Qui est au bout du fil ? C'est bien vous, vol 11 ? Personne ne bouge. Tout ira bien. Nous avons des avions. Il y en aurait donc d'autres. L'information se confirme. Le vol 175, parti lui aussi de Boston Logan, un quart d'heure après le vol 11, ne répond plus. Transpondeur coupé. Dans cet appareil, 5 terroristes ont pris les commandes, suivant le même scénario et le même itinéraire, faisant route vers New York. 2 d'entre eux sont originaires des Émirats Arabes Unis, les 3 autres viennent d'Arabie Saoudite. À 9h03, leur avion s'encastre sur la tour sud, entre les 77e et 85e étages. Pompiers, gendarmes, équipes de secours sont déjà sur place. Ils sont arrivés dès que la première tour a été touchée. Le chef de bataillon Joseph Pfeiffer est le premier sur les lieux. Il arrive à 8h50, 4 minutes après le premier crash. Cet homme mince, à la fine moustache, discret autant qu'aguerri, mesure immédiatement l'ampleur du drame. Alors il déclenche l'alarme de niveau 1, puis de niveau 2, puis de niveau 3. Plus de 225 unités convergent alors vers le sud de Manhattan, soit plus de 1000 pompiers. Joe Pfeiffer voit impuissant des individus coincés dans les étages supérieurs de gratte-ciel se jeter dans le vide pour échapper aux flammes et aux fumées. Ils seront 200 environ, virgule tragique dans le ciel encore clair de cette journée. Maintenant, il s'agit d'aller sauver ceux qui sont coincés, là-haut. June Naudet, caméra au point, accompagne le commandant Pfeiffer. Voici un extrait du film que son frère et lui ont réalisé et que la télévision américaine a diffusé quelques mois plus tard. Pfeiffer est le premier chef à l'intérieur de l'immeuble. Il organise les secours. Les pompiers arrivent calmement. Ils s'apprêtent à monter dans les étages avec leurs 30 kilos d'équipement sur le dos. Beaucoup ne sortiront pas vivants du World Trade Center. En chemin vers le sommet de la tour, certains pompiers croiseront sans doute Bruno Delinger, qui a quitté le 47e étage après avoir pris le temps de faire des sauvegardes informatiques et même de remettre meubles et tableaux déplacés par l'explosion. Peut-être ont-ils aperçu aussi Leocadia Glogowski, qui descend, elle, du 92e étage. Il lui faudra près d'une heure pour atteindre le rez-de-chaussée. Pendant cette descente interminable, elle bénit l'inspiration qu'elle a eue de changer de chaussures juste avant de sortir de chez elle, les fameux talons plats. Au moment où elle arrive en bas, la tour sud s'effondre. Ceux qui ont vécu ce moment et qui s'en sont sortis n'ont pas de mots assez forts pour décrire la vague de gravats et de poussière qui dévore tout sur son passage, tel un énorme tsunami. Ça dépasse l'entendement, relate Bruno Delinger. En un instant, alors qu'il y avait une agitation extraordinaire, des services de secours qui arrivaient de partout, des ambulances, des gyrophares, des sirènes, soudain, s'abat sur nous cette masse monstrueuse et tout devient silencieux. Et c'est la nuit. Dans son roman « L'homme qui tombe », paru en 2008 chez Actes Sud, l'écrivain américain Don DeLillo relate également ce moment. Ce n'était plus une rue, mais un monde. Un espace-temps de pluie de cendres et de presque nuit. Il marchait vers le nord dans les gravats et la boue, et des gens le dépassaient en courant, avec des serviettes de toilette contre la figure ou des vestes protégeant leur tête. Ils pressaient des mouchoirs sur leur bouche. Ils avaient des chaussures à la main. Une femme avec une chaussure dans chaque main qui le dépassait en courant. Ils couraient et ils tombaient, pour certains désorientés et maladroits, avec les débris qui tombaient autour d'eux. Et il y avait des gens qui se réfugiaient sous des voitures. Le grondement était encore dans l'air, le fracas de la chute. Voilà ce qu'était le monde à présent. La fumée et la cendre s'engouffraient dans les rues, explosaient au coin des rues. Des ondes sismiques de fumée, avec des ramures de papier, des feuillets qui planaient, qui voltigeaient. Des choses d'un autre monde, dans le linceul du matin. Et c'était pas fini. Dans l'intervalle, un autre avion a été détourné. C'est le vol 77. Lui avait décollé à 8h20 de l'aéroport de Washington, direction Los Angeles. À 9h37, il s'écrase sur le Pentagone, le ministère de la Défense américain, causant la mort de 125 personnes. À son bord, 5 terroristes, 5 Saoudiens. Et cette fois, c'est un autre symbole qui est touché, celui de l'hyperpuissance militaire américaine, une forteresse, en principe. Incroyable quand on sait qu'il s'agit du centre nerveux de tous les états-majors des armées aux États-Unis, le cœur du dispositif de frappe nucléaire, une machine de guerre qui contrôle pas moins de 5700 ogives. On y retrouve tout ce que l'Amérique compte de stratèges en matière de défense, de responsables du renseignement, de la CIA et du FBI. 24 000 personnes travaillent en permanence dans ce labyrinthe avec ses 41 hectares de bureaux répartis dans ce fameux bâtiment de béton construit en étoile lors de la Seconde Guerre mondiale. À la lumière de ces explications d'Emmanuel Leclerc de France Inter, on comprend donc le choc que constitue cette attaque contre le Pentagone. Au centre de contrôle du trafic aérien, Ben Sliney monte en pression. 3 avions et combien d'autres encore? Les contrôleurs aériens sont priés d'entrer en communication avec tous les vols pour vérifier que tous répondent bien à l'appel. un temps de réaction un peu long, un commandant de bord trop peu coopératif, suscite immédiatement la suspicion d'un nouveau détournement, écrira plus tard le quotidien USA Today. 11 avions figurent à ce moment-là sur la liste des suspects. 9h45, Ben Sliney prend la décision la plus difficile de toute sa vie professionnelle. Il décrète la fermeture de l'espace aérien américain, du jamais vu. Les 4500 avions civils qui parcourent le ciel des États-Unis doivent impérativement se poser sur l'aéroport le plus proche ou, pour les vols internationaux, faire demi-tour ou se dérouter vers le Canada. Je veux avoir un ordre d'arrêt au sol pour tout le pays. Je veux plus voir un seul avion pénétrer dans notre espace aérien, compris? Il y a combien d'avions en vol en ce moment? 4 500 environ. Ok, il n'y a plus de départ dans tout le pays. Fabrice Drouel. En ce 11 septembre 2001, parmi tous les avions en circulation ce matin-là, il y a un Boeing 757 qui a décollé du New Jersey à 8h42 avec 41 minutes de retard. Ce vol, c'est le vol United Airlines 93. Au peu de voyageurs, 37 sur les 182 que peut accueillir l'appareil. Les quatre terroristes qui ont pris place, un Libanais et trois Saoudiens, eux s'inquiètent. Où en sont les autres? Ceux de New York, ceux du Pentagone, ont-ils mené leur mission à bien? L'information concernant les attentats s'est-elle largement diffusée? Le retard qu'accuse leur vol risque-t-il de compromettre l'opération? Mais non, Non, ce n'est qu'une fois dans le ciel que le commandant de bord reçoit les informations sur les détournements comme les autres commandants de bord, on peut imaginer. Il lui est instamment demandé de fermer à clé la porte du cockpit et de n'ouvrir qu'avec un signal convenu avec la chef de cabine. Il est 9h27 quand le vol 93 envoie sa dernière transmission de routine aux contrôleurs aériens. Ici encore, l'un des terroristes qui a passé dans les toilettes une ceinture d'explosifs, c'est un leurre en fait, mais qui le sait à ce moment-là. Bref, il menace de tout faire sauter, tandis que les autres, couteau à la main, égorgent un passager pour manifester leur détermination, puis enjoignent à la chef de cabine de toquer à la porte du cockpit. Il tue le commandant de bord et son second. Celui-ci n'a que le temps à 9h28 de lancer un appel de secours. Mayday! Mayday, sortez d'ici, il parle alors aux intrus. Mayday! Nous allons tous mourir. Deux terroristes occupent désormais le cockpit. Les deux autres menacent les passagers en les regroupant à l'arrière de l'avion. Ces passagers deviendront des héros en empêchant l'avion d'atteindre sa cible, le Capitole, ce bâtiment de Washington où siège tout à la fois le Sénat et la Chambre des représentants. Autant dire, le lieu politique par excellence. Ils seront, quelques années plus tard, les héros d'un film réalisé par Paul Greengrass, sobrement intitulé Vol 93. Ce film a pu restituer très précisément ce qui s'est passé alors dans l'appareil grâce aux témoignages des passagers. Car tous ont utilisé les téléphones de bord ou leurs portables pour appeler leurs proches, leur raconter. Ils ont alors appris les attentats contre les tours jumelles. Et là, ils ont compris que leur avion aussi servirait de bombe volante pour frapper un bâtiment symbolique. Et ils ont décidé de l'empêcher. Oui, ils se concertent, chuchotant de siège en siège, se mettent d'accord pour intervenir, récupèrent grâce aux hôtesses les armes qu'ils peuvent, un extincteur, des couteaux de cuisine. Voici un extrait de la bande-annonce du film. Si on veut faire quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Parce qu'on sait ce qui se passera si on se laisse faire sans réagir. Il y a des passagers qui veulent agir. Ils disent qu'ils vont essayer de reprendre le contrôle de l'avion. Suivez-moi! Il faut bouger très vite! Faut y aller, compris? Ah! On y va! Peu avant 10h, quatre hommes déterminés s'élancent. Ils s'appellent Todd Beeman, Tom Burnett, Jeremy Glick et Mark Bingham. Aidés par d'autres passagers et par les hôtesses, ils se débarrassent de deux terroristes et réussissent à 10h02 à entrer dans le cockpit en défonçant la porte. Mais il est trop tard. L'appareil a amorcé une descente rapide. Le terroriste qui tenait les commandes a, semble-t-il, délibérément cherché le crash, ayant compris qu'il n'atteindrait pas son but. Ainsi, à 10h03, l'avion s'écrase sur le sol de Pennsylvanie, creusant un cratère de 9 mètres. La série noire des détournements s'achève avec lui, mais l'horreur continue. Car à 10h28, la tour nord du World Trade Center, celle qui avait été frappée la première, s'effondre elle aussi, jumelle, jusqu'à la fin. En 102 minutes, l'impensable est survenu. Les questions, les responsabilités se discuteront plus tard. Mais tout de suite, tout de même, cette interrogation, que fait la défense américaine ? Pendant ces 102 minutes, aucun avion n'a pu être arrêté. Pourquoi ? Après la perte du signal du premier Boeing, l'armée est officiellement appelée à l'aide à 8h37. Deux chasseurs F-15 décollent à 8h46 de la base d'Otis, à l'est des États-Unis, au moment même où le premier avion percute la première tour. L'officier chargé de les diriger manque d'informations. Je ne sais même pas où les envoyer. Il me faut une direction, une destination, importe-t-il. Le temps que le deuxième détournement soit confirmé, l'avion a percuté la seconde tour. Pendant près d'une heure, deux F-15 volent au-dessus de New York et deux F-16 au-dessus de l'océan, mais perdus dans les airs, ils ne savent pas qui est l'ennemi. Ils ignorent sa position. Et comme les transpondeurs des appareils sont éteints, il est effectivement difficile de les repérer. Et à 9h38, une fois encore, il est trop tard quand le troisième avion, celui des vols 77, atteint le Pentagone à Washington. Et au fait, George Bush dans tout cela. Il était informé d'un accident ou d'un attentat sur la tour 1 du World Trade Center peu avant d'entrer dans l'école où il est attendu. À 9h07, peu après que la deuxième tour a été touchée, Andy Card, son directeur de cabinet, se penche vers lui et lui murmure à l'oreille que la nation est « under attack », donc « attaquée ». Un pas vide, Bush continue la lecture de « Pet Goat » qu'il avait entamé, rendant au passage ce livre célèbre. « J'ai voulu donner confiance aux gens », se justifiera-t-il ultérieurement. Il faut attendre 7 minutes avant que le président revienne s'occuper de sa nation en péril. Une cellule de communication est mise en place dans l'école. Bush se met en contact avec les principaux responsables du pays, Dick Cheney, le vice-président, Robert Mueller, le directeur du FBI, Rudolph Giuliani, le maire de New York. Il comprend qu'un chaos terrible frappe le cœur du pays. Alors, on le presse de s'adresser au plus vite à la nation. À 9h30, il prend la parole depuis la bibliothèque de l'école Emma Booker à Sarasota, en Floride. La liberté elle-même a été attaquée ce matin par des lâches sans visage. Mais la liberté sera défendue. Je veux assurer le peuple américain que toutes les ressources du gouvernement sont utilisées pour sauver des vies et aider les victimes de ces attaques. And to help the victims of these attacks. Make no mistake. Surtout ne vous trompez pas. The United States. Les États-Unis vont poursuivre et punir les responsables de ces actes. For these cowardly acts. Puis le président rejoint Air Force One, son avion personnel. L'appareil monte rapidement à une altitude où il sera en sécurité, bien au-dessus du plafond de vol des Boeing et autres avions de ligne. Ces enregistrements mal captés laissent en effet penser à ce moment que Angle, c'est le nom de code d'Air Force One, est une cible visée par les terroristes. Et que se passe-t-il précisément dans cet avion? Nous le savons grâce à Harry Fleischer, le conseiller presse du président. Ce jour-là, j'ai tout de suite compris combien il était important de conserver une trace de ce que le président disait et faisait, a-t-il expliqué à Reuters. Alors j'ai passé toute la journée dans sa cabine d'Air Force One à écouter et surtout à prendre des notes. Très vite, le ton de George Bush est guerrier, comme le relatait Harry Fleischer ici en 2016. Ici on lit 9h45, le président embarque à bord d'Air Force One. Il dit au vice-président, parce qu'il est à ce moment-là au téléphone avec le vice-président, « On dirait qu'on a une petite guerre qui se prépare, on m'a dit pour le Pentagone. » Et mes notes montrent, juste quelques minutes plus tard, « Nous sommes en guerre. » J'ai noté mot à mot. Il dit, « Quand nous saurons qui a fait ça, ils ne m'aimeront pas. Quelqu'un va payer pour ça. » À 14h50, George Bush atterrit dans une base du Nebraska. 40 minutes plus tard, il tient sa première vidéoconférence dans le cadre du Conseil de sécurité. George Tenet, le directeur de la CIA, prend la parole. Pour lui, c'est sûr, il s'agit de Ben Laden et de l'organisation terroriste Al-Qaïda. Quelques mois plus tôt, en février exactement, Oussama Ben Laden n'était-il pas désigné par le même George Tenet comme l'ennemi public numéro un du pays? Le 6 août 2001, le FBI n'avait-il pas indiqué au président Bush que Ben Laden était déterminé à frapper l'Amérique? Oui, mais voilà, il y a eu des ratés de communication, de surveillance, de transmission entre les services. Oussama Ben Laden et Al-Qaïda sont donc immédiatement dans le viseur. Mais pas seulement. Voici ce que relate le journaliste Sylvain Sipel dans le numéro 1 du 1, justement, consacré à cette journée du 11 septembre. À 14h40, Donald Rumsfeld, le secrétaire à la Défense, réunit son équipe. Les cendres de l'appareil qui a percuté le Pentagone sont encore chaudes, qu'il leur demande déjà de chercher en priorité des éléments impliquant l'Irak dans les attaques. A posteriori, cela paraît extravagant. Mais on a oublié combien l'association des néoconservateurs et des nationalistes, dont Rumsfeld fait partie, cultivait l'idée de terminer le travail que la guerre du Golfe en 1991 n'avait pas permis de mener à son terme, renverser Saddam Hussein. Un conseiller présent à la réunion, Stephen Cambone, note les propos du ministre. Faire vite, réfléchir à frapper plusieurs cibles en même temps, voir s'il est possible de taper Saddam Hussein, pas seulement Oussama Ben Laden. 19h, le président américain rentre à Washington, dans une ville en état de siège, après plus de 10 heures d'errance à travers les États-Unis. À 20h30, il s'adresse à la nation, un discours où l'émotion côtoie les promesses de l'homme guerrier. J'ai donné l'ordre pour que toutes nos ressources en matière de renseignement et de police s'attellent à retrouver les responsables et les traduire en justice. Nous ne ferons aucune distinction entre les terroristes qui ont perpétré ces actions et ceux qui les protègent. À 20h35, le Français Bruno Dellinger est revenu chez lui et prostré sur un canapé. Il a écouté le président, mais son cerveau a du mal à se connecter à la réalité. Est-ce que tout cela a vraiment eu lieu? Pourquoi suis-je vivant quand tant d'autres ont péri? 18h à Los Angeles, Cathy Hong, la sœur de l'hôtesse de l'air, Betty Hong, pleure devant son téléviseur. Elle a vu et revu les images du vol 11, celui où travaillait sa sœur, s'encastrée dans le World Trade Center. Elle se demande, et se demandera toujours, si Betty et les autres passagers savaient vers quel but mortel cet avion les précipitait. 22h, dans son appartement de Brooklyn, Leocadia Glogowski voudrait oublier cette journée. Elle cherche le sommeil, en vain. Alors, elle prie longuement, remercie Dieu qui lui a soufflé de changer de chaussures le matin même, faisant d'elle une rescapée et non une victime. 23h30, Joseph Pfeiffer, chef des pompiers, toujours sur l'emplacement du World Trade Center, a coordonné les secours. Plus tard, il prendra le temps de pleurer son frère, mort dans l'effondrement des tours, ainsi que l'aumônier de la caserne, et tous ces hommes qui sont venus grossir les rangs des victimes. 343 pompiers y ont laissé leur vie. Mais les larmes, ce sera pour plus tard. Aujourd'hui, ce soir, cette nuit, l'urgence commande. Oui, demain, l'après 11 septembre va commencer. Alors, il faudra trouver les réponses à apporter, notamment sur les loupés des services de renseignement, sur les failles de la transmission de l'information dans la chaîne de commandement de l'armée, sur les caractéristiques de la construction des tours, aussi supposément indestructibles, tout comme le Titanic était insubmersible, et tout comme l'immense paquebot qui n'avait pas assez de canaux de sauvetage pour tout le monde, les tours manquaient, elles, d'escaliers de secours. L'après 11 septembre va commencer et entraîner le Moyen-Orient et l'Asie centrale dans un déluge de feu et de sang jusqu'à aujourd'hui. Ce volet de l'histoire, nous l'ouvrirons demain. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Les attentats du 11 septembre 2001, deuxième volet aujourd'hui, les faits tout au long de cette journée du 11 septembre, dont nous allons reparler avec notre invité, Jenny Raflick. Bonjour. Bonjour. Professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Nantes, spécialisée dans les relations internationales, la géopolitique et le terrorisme. Vous êtes auteur, notamment chez Gallimard, du livre intitulé « Terrorisme et mondialisation », de concepts dont nous allons parler évidemment. Mais enfin, première question, quel souvenir gardez-vous personnellement de cette journée? Qu'est-ce que vous vous êtes dit en voyant ces images, à la fois en tant que personne, mais aussi comme la spécialiste du terrorisme et de la géopolitique, que vous n'étiez peut-être pas encore d'ailleurs? Mais je crois, comme tout le monde, le souvenir dominant, c'est la sidération, l'incrédulité, et puis ces images à la télévision, obsédées par ces images, impossible de décrocher le regard de l'écran. C'est quelque chose qui, 20 ans après, reste encore pleinement dans tous les souvenirs. Et y compris quand on travaille sur l'histoire du terrorisme, sur la géopolitique, sur la guerre, ces images, elles sont tellement saisissantes. À l'époque, elles semblent irréelles. Et puis, je me souviens qu'à l'époque, on parlait beaucoup des thèses de Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire. Les États-Unis avaient gagné la guerre froide, cette impression de Pax Americana, mais, et du coup, de stabilité. Et les conflits, il en restait, mais on les analysait comme des épiphénomènes liés à la fin de la guerre froide. Et le 11 septembre, c'est le moment où on se dit que non, que tout ça ne tient pas la route et qu'on est en train de vivre une étape de l'histoire. Ça fait partie de ces rares dates quand même où on a l'impression instantanément d'être en train de vivre l'histoire. Et d'une rupture dans l'histoire. Voilà. Cette journée noire du 11 septembre, alors, est-elle forcément révélatrice, comme on l'a souvent dit, d'une mondialisation du terrorisme? Est-ce que c'est vraiment la première fois que des terroristes venus de différents pays agissent ensemble de façon coordonnée? Non, alors en réalité, le terrorisme a toujours agi à l'international. Ah oui. Il a toujours fait fi des frontières, et ce, on peut remonter même au tout début de l'histoire du terrorisme, en tout cas quand on utilise le mot, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle avec les anarchistes. On parle à l'époque de propagande par le fait, mais de terrorisme anarchiste, et déjà les anarchistes agissent à l'échelle mondiale, souvent dans le pays où ils sont, mais pas forcément dans le pays d'où ils viennent, au gré des exils, des voyages, des circulations d'hommes et d'idées dans le sillage de la révolution industrielle. Et finalement, ça s'est jamais démenti. Il y a un terrorisme mondialisé en guerre froide. Les groupes libanais, les groupes iraniens qui frappent la France, les groupes palestiniens qui frappent la France. Voilà, oui. On a cette circulation permanente. Donc ça veut dire que terrorisme et mondialisation sont presque naturellement liés pour réussir des opérations comme ça? Pour des questions de circulation, de personnes, d'idées, de moyens, de capitaux aussi, une dimension économique derrière. Bien sûr. Pour faire connaître les revendications, oui, les deux se sont vraiment développés en permanence, en parallèle. Alors, on va revenir un peu sur les jours d'avant, qui expliquent aussi le jour pendant. L'assassinat de Massoud, deux jours plus tôt, par Al-Qaïda, aurait-il dû inquiéter plus? Alors, évidemment, on rejoue le scénario après. Ben oui. C'est évidemment beaucoup plus facile pour l'historien que pour celui qui était aux commandes à l'époque. Évidemment, la concordance chronologique ne peut que nous frapper et on ne peut faire que le lien. Massoud, on vient de le dire, est assassiné le 9 septembre, c'est-à-dire 20 ans jour pour jour aujourd'hui, par deux faux journalistes, des Tunisiens avec passeport belge qui étaient affiliés à Al-Qaïda, et on sait que cet attentat, il a été préparé, planifié longtemps à l'avance. C'est quelque chose qui a été préparé avec beaucoup de minutie par Al-Qaïda. La date en a donc forcément été réfléchie. Et deux jours après, Al-Qaïda, la même organisation, attaque les États-Unis. Le lien s'impose dans les esprits, évidemment. Pourtant, avec le recul, on peut dire quand même que les talibans et Al-Qaïda n'en ont pas profité finalement, parce que la mort de Massoud aurait dû permettre aux talibans de prendre le contrôle de l'intégralité de l'Afghanistan, d'affaiblir la rébellion, ça aurait dû leur donner un avantage stratégique. Et finalement, à cause des attentats du 11 septembre et de la réaction américaine, ça s'est retourné contre eux et ils n'ont pas pu utiliser cette opportunité stratégique en Afghanistan que la mort de Massoud leur a fait ouverte. Julie Rafik, on va se retrouver dans 3 minutes, ne quittez pas, hein. Surtout on a encore des choses à se dire après avoir écouté Laura Cahen, Désarmé. On va pas. On s'est demandé pourquoi les Américains n'avaient pas réagi avant. On a vu l'indice Massoud, par exemple. On va pas faire donc pendant toute l'interview le procès des États-Unis pour leur manque de réactivité. On va faire le procès de quelque chose d'un autre fléau qui s'appelle le fake news ou surtout le complotisme. Gisèle Donnelly, théoricienne du néoconservatisme, disait après les attentats. Les attaques terroristes ont créé pour nous une opportunité de faire valoir nos idées. Cela faisait des années qu'on parlait dans le vide. Alors évidemment, ça c'est pas du complotisme, hein, mais ce genre de déclaration ouvre la porte au complotisme concernant le 11 septembre. On est là dans, intellectuellement dans un fait assez grave, me semble-t-il. Oui, alors indéniablement, je crois que la réponse apportée par les autorités américaines a permis au complotisme de se développer. En maintenant des zones d'ombre, en apportant des réponses évidemment biaisées, on vient de l'entendre, je pense que ce sera le sujet sur toute l'émission de demain, mais oui. Tout de suite cette obsession irakienne, évidemment, et puis la longue traque de Ben Laden, puis son élimination, ont laissé des questions en suspens. Voilà, il n'a pas pu parler, il n'a pas été traduit devant la justice, avec l'idée sous-jacente chez certains de pourquoi qu'a-t-on voulu l'empêcher de dire. Donc tout ça a alimenté cette ambiance complotiste. Le rapport de la commission d'enquête du Congrès américain de 2004 qui soulignait l'ensemble des failles des services de renseignement et puis ensuite plus grand chose, y compris au niveau judiciaire, puisque, et on le voit encore cette semaine, puisque le procès du 11 septembre s'est réouvert mardi pour être suspendu immédiatement pour des questions de procédure. Et ça fait 19 ans maintenant que cette procédure dure. Le président Joe Biden vient d'évoquer la possibilité, son intention de peut-être ouvrir des archives, mais les autorités américaines s'y opposent depuis maintenant pas mal d'années, toute administration confondue. Donc tout ça, toute cette opacité, effectivement, a favorisé un terreau qui a permis de développer des théories complotistes. Et puis un terreau qui a été aussi favorisé par ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la sidération absolue. Oui, bien sûr. Comment imaginer ça ? Ça semble tellement incroyable que justement une partie des gens ne veulent pas y croire. Oui, alors... Il n'en reste pas moins que le complotisme est une insulte aux victimes. Alors il y a aussi des démarches inverses. Vous êtes, Jenny Raflick, l'une des co-auteurs d'un rapport rédigé sous la houlette de l'historien Henri Rousseau, remis en mars 2020 au président de la République, qui concerne le musée mémorial des sociétés face au terrorisme. Vous pouvez nous en dire un mot et le sens de cette démarche ? Voilà, alors c'est exactement pour répondre à ces questions. Ce musée mémorial, ce sera d'abord un mémorial dédié aux victimes, qui d'ailleurs y occuperont une grande place. Leur parole sera très présente et les associations de victimes participent pleinement à la construction de ce projet. Et puis ce sera aussi un musée d'histoire et de société, parce que je crois que l'histoire, la connaissance amène du rationnel et pour lutter d'abord contre le terrorisme qui fait appel à une émotion, la terreur précisément. Pour lutter contre le terrorisme et pour lutter contre le complotisme, vient apporter des éléments de compréhension, c'est aussi amener des éléments de résilience. Il y a une sorte de devoir de mémoire couplé à un devoir d'histoire. Et ça répond à ce que vous disiez dans l'hebdomadaire Le 1, qui est notre partenaire et avec qui nous avons monté ensemble finalement cette série sur le 11 septembre. Vous disiez que le nombre des victimes, notamment du 11 septembre, interdit de les individualiser, de les nommer toutes, alors qu'on nomme les terroristes, qu'on a vu leur visage, c'est fondamentalement injuste pour les familles de victimes. Alors, c'est injuste, mais je crois que l'11 septembre, à cet égard, suscitait beaucoup de réflexions, et y compris, vous le savez mieux que moi, dans le traitement médiatique des attentats. On en a beaucoup débattu. On s'est posé la question, notamment, de l'opportunité de montrer ou non les visages des terroristes. Et puis, il y a une sorte de double injonction. Il y a à la fois ne pas les héroïser, et au contraire, montrer les victimes, mais en même temps, nommer les choses. Et c'est aussi rendre hommage aux victimes que de dire exactement ce qui s'est passé. On est véritablement là sur quelque chose qui est toujours très difficile, un équilibre assez difficile à atteindre. Alors dans le cas du 11 septembre, évidemment, le nombre de victimes est tel qu'il est impossible de les nommer, et plus encore impossible de les montrer, puisque le bilan, on a cité tout à l'heure les chiffres officiels, mais ce sont encore des estimations, le bilan évolue, on a encore identifié récemment deux victimes grâce à des expertises ADN toujours en cours, alors qu'évidemment, les terroristes, on les a assez rapidement identifiés et nommés. Oui. Et ce paradoxe de bourreau mis en lumière quand les victimes sont anonymes, c'est quelque chose de très très douloureux pour les familles. Mais, et là aussi, c'est un petit peu le paradoxe, c'est aussi parce que les victimes sont si nombreuses et qu'elles soient un petit peu anonymes, qu'on peut s'identifier à elles et développer à ce point une solidarité qui a été internationale. C'est vraiment un peu le paradoxe de ces hommages et de cette émotion mondiale qui a entouré le 11 septembre. Et on va finir sur ce paradoxe, Jenny Raflick. Je vous remercie. Je rappelle le titre de l'un de vos livres qui est directement lié à cette thématique. C'est chez Gallimard, Terrorisme et mondialisation. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le 11 septembre 2001, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. À la technique aujourd'hui, il y avait Gilles Gaillard. On nous attend. Il est là, évidemment, Antoine Decaune pour Pop Pop Pop. Bonjour Antoine. Bonjour Fabrice. Aujourd'hui, un Pop Pop Pop écourté, juste pour patienter en attendant la cérémonie en hommage à notre Belmondo national. Eh bien, à tout de suite, patientons ensemble.